بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 143 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Furqan, بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Le charh, avec le charh du Cheikh Salih al-Fawzan, حفظه الله تعالى. On est arrivé aujourd'hui à une partie dans le livre. On continue tout le temps par rapport à notre sujet de la réfutation des Awliya Shaitan. Et on mentionne comment distinguer justement entre les Awliya d'Allah et les Awliya du Shaitan. Donc, Cheikh, il expliquait au dernier cours que quand quelqu'un il a des karamates, yani, c'est une épreuve que Allah lui donne et que c'est dangereux pour certaines personnes. Parce que ça peut être une cause de fitna, une cause d'épreuve pour eux. Et donc c'est important de, yani, d'être sincère avec Allah dans cette karama, si quelqu'un en a reçu, et d'être reconnaissant envers Allah par rapport à ça. Et on expliquait également de demander pardon à Allah, comme les salafs, ou comme les salihins, les hommes pieux, quand ils avaient des karamates, ils demandaient pardon à Allah, comme si c'était un péché, alors qu'en réalité, c'est un don que Allah leur a fait. Mais ils trouvaient que c'était pour eux une épreuve, hein, et c'était donc difficile, alors ils cherchaient le refuge en Allah, devant ce genre d'épreuve. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, elle dit ensuite, « Wa ta'aridu ala ba'dihim » فيسأل الله زوالها وكلهم يأمر المريد السالك أن لا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها مع ظنهم أنها كرامات فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين وتغويهم بها. Donc le cheikh il explique que des fois Allah Azza wa Jal, il donnait donc à certains d'entre eux un don particulier, quelque chose qu'ils avaient comme une capacité extraordinaire ou surnaturelle de faire certains miracles ou de certains prodiges miraculeux. Et eux, une fois qu'ils constatent en eux-mêmes qu'ils ont cette capacité, demandent à Allah de lui enlever. Tu vois? Donc ça, c'est pour montrer en fait la sincérité de ces gens-là. Ils ne cherchent pas ça. Et quand ils l'ont, ils veulent même demander à Allah de leur enlever ça. Parce qu'ils savent que c'est une fitna, que c'est une épreuve. Et s'ils ont des élèves ou des gens qui les suivent, donc eux, ils sont par exemple leurs professeurs, ils disent à leurs professeurs, ils disent à leurs élèves ou à ceux qui les suivent de ne pas s'attarder à ce genre de choses-là, de ces karamates-là, et de ne pas en faire yani, quelque chose d'important ou de se vanter de ça. Tandis que les gens de Bid'a ou les Khurafiyoun, les Soufiya par exemple, eux, c'est ça qu'ils cherchent. C'est ça leurs objectifs, ils veulent atteindre ça, ils pensent que c'est ça l'objectif de la sainteté, de la piété, qu'il faut devenir un wali, puis pour devenir un wali, et pour prouver qu'on est un wali, il faut être capable de faire des prodiges, des miracles, ou des choses surnaturelles, pour être capable d'avoir plus de contrôle ou de pouvoir sur les gens, et pour impressionner les gens, et pour leur prendre leur argent, ou d'autres choses de ce genre. Et donc le cheikh il dit, ça c'est en réalité, parce que ça, c'est des gens sincères, en fait, ils ne veulent pas ça. Et ils savent que c'est des karamates, que c'est des prodiges miraculeux que Allah leur a donnés, et ils n'en veulent pas. Alors, que dire lorsque la réalité de ce que certaines personnes font, c'est en réalité des ruses des diables, hein, qu'ils font pour les dévier, pour les égarer. C'est encore plus dangereux. Ils devraient encore plus s'en éloigner. Ils devraient encore plus chercher refuge en Allah contre ça. Mais eux, au contraire, ils pensent que ça, c'est des karamat. A'udhu billah. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il fait des petits commentaires sur ça. On va lire ça ensemble. Il dit, premièrement, à propos des awliya d'Allah, il dit, « La yuriduha, liannahu ya'lamu annaha tuhsabu min ajrih, wa huwa la yuriduha, yuridu an yabqa ajruhu inda Allah. » Subhanahu wa ta'ala. Il dit déjà, il n'en veut pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce don qu'il a reçu, ça va lui être enlevé de sa récompense. Dans le sens que toutes les salafs, ils considéraient que toute grâce qu'ils obtiennent dans la dunya, ça fait quelque chose de moins qu'ils auront comme récompense dans l'au-delà. Hein? Alors, ils ne cherchaient pas ce genre de choses-là et ils n'en voulaient pas. Ils voulaient que leur récompense auprès d'Allah reste complète. Et il dit ensuite, وَيَأْمُرُ تَلَامِيذَهُمْ الْمُرِيدَ السَّالِكُ وَهُوَ التِّلْمِيذِ وَكَانَ الْعُلَمَا يَنْهَوْنَ تَلَامِيذَهُمْ وَأَتْبَاعَهُمْ مِنَ التَّلَطُّعِ إِلَى الْكَرَامَاتِ لِمَا تُسَبِّبُهُمْ مِنَ الْمَحَذِيرِ. Donc les chouyoukhs, par exemple, ou les ulama, ils disaient à leurs élèves, hein, ne cherchez pas ces karamates-là et ne souhaitez pas les avoir. Hein, parce qu'ils savaient ce que ça pouvait causer comme malheur, hein, comme fitna, comme tentation, comme épreuve. Et le terme que le cheikh il mentionne dans le texte, il dit « al-murid ». Al-murid, c'est le terme qui est employé souvent chez les soufis, hein, pour désigner l'adepte ou le fidèle. Quand quelqu'un il va suivre un cheikh soufi, il devient son mourid. Le mourid, ça veut dire, ça vient du verbe arada yuridu, qui veut dire la volonté, de vouloir. D'accord? Donc, le mourid, c'est celui qui veut suivre le chemin ou la voie. Et c'est surtout utiliser cette expression-là dans le dialogue ou dans le langage des soufis. Mais le cheikh, il explique ici dans le sens de l'élève. D'accord? Et les chouyoukhs, il dit, les ulama, ils disaient toujours à leurs élèves de ne pas chercher les karamates à cause des dangers qu'il y a avec ça. Et après, il dit, wa kayfa idha kanat khawariq shaytaniya. Idha kanat karamat min Allah, wa ma'a hadha kanu la yarghabunaha, wa yuhadhiruna talamidhahum. وأتباعهم من التطلع إليها وهناك من أولياء الله من تجري على يديه كرامات كثير من أولياء الله لم تجري على يديهم كرامات من الصحابة والتابعين فليس من لازم الولي أن تجري على يده كرامة أو خارقة ليس هذا من لازمه كما يظن بعض الجهال. Donc il dit le cheikh que ce n'est pas une condition. Bon, le cheikh il explique premièrement, il dit, il faut comprendre que premièrement, si c'est une karama que Allah a donnée aux awliya, eux ils en voulaient même pas et ils souhaitaient même pas ces choses-là. Alors que dire de la personne qui n'a même pas de karama d'Allah mais des tours ou des ruses du diable que le shaitan joue avec eux, hein, ça, n'est-ce pas que cette personne devrait encore plus avoir peur de ces choses-là et de s'en éloigner? Donc le cheikh il dit, donc ça c'est un exemple pour dire que même les karamates, les vrais karamates que Allah donne aux awliya, les awliya ils n'en veulent pas et ils font attention à ces choses-là et ils avertissent leurs élèves de ne pas rechercher ce genre de choses. Il dit, il y en a des awliya d'Allah à qui Allah n'a pas donné des karamates. Hein? Combien d'entre les sahaba, et combien parmi les hommes pieux, combien parmi les grands ulama de l'islam et les imams de la religion, Allah leur a pas donné des karamates. N'empêche, c'était parfois des ulama et des sahaba plus importants que ceux qui ont eu des karamates. Donc le fait d'avoir une karama, ça ne détermine pas le degré ou le niveau de la personne. Et il dit, et ce n'est pas non plus une condition pour que quelqu'un soit un wali qu'ils puissent faire des karamates ou des choses surnaturelles. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est malheureux, mais certains ignorants, ils ont cette mentalité-là. Et parmi les soufis, justement, parmi leur mentalité, c'est l'idée que pour être un wali, tu dois faire des karamates. Si tu dois faire des miracles ou des choses surnaturelles, et que si tu n'en fais pas, tu n'es pas un vrai wali. C'est ça qui les a poussés justement à tomber dans le shirk et dans le sihr et dans toutes sortes de kofr et des formes de bid'ah pour essayer d'obtenir ce genre de choses surnaturelles dans le but de, hein, d'attirer les adeptes. Parce que les soufis, c'est comme ça qu'ils attirent les fidèles. Et quand les fidèles sont avec eux, ils se vantent de ça. Aux autres, turuq. Aux autres soufis des autres turuq. Ils vont dire, notre cheikh, il est meilleur que votre cheikh, parce que notre cheikh, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. C'est un plus grand wali. Hein? Donc, c'est comme ça qu'ils font la compétition entre eux, les soufis. Chaque tariqa, ils se prétendent meilleurs que l'autre. Et ça, c'est connu, yani, Allah m'stan. Donc, le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, il dit, « Al-Khawariq min al-umur allati tajri ala khilaf al-ada. » يعني تخرق العادة تخرق العادة وهي تنقسم إلى قسمين القسم الأول خوارق كرامة من الله لبعض أوليائه تجري على أيديهم إما لحاجة أو وإما لحاجة لحجة إما لحاجة وإما لحجة على خصومه فهذه تسمى خوارق الكرامات والقسم الثاني خوارق شيطانية يعملها الشياطين مع أوليائهم من الإنس ليضلوا الناس بها ويغروا من تجري على يده أنه ولي الله يعني ونعم ويغروا من تجري على يده أنه ولي الله أو ولي لله وهو ليس كذلك. Donc il dit le cher que les khawariq, les choses surnaturelles qui peuvent se produire et qui sont hors de l'ordinaire, hein, sont de deux catégories. Il y a les karamates qui viennent d'Allah et que Allah permet à ses serviteurs rapprochés de faire, soit pour un besoin ou soit à cause d'une preuve que Allah veut établir contre les opposants de la foi. Et ça, on appelle les prodiges miraculeux, les karamates. Il dit, il y a une autre catégorie, c'est des khawariq shaytaniyah. C'est-à-dire des choses surnaturelles, mais qui sont diaboliques, que les diables permettent à leurs alliés de faire parmi les êtres humains, les alliés des diables parmi les êtres humains, les diables les aident à faire ces choses-là, des tours, des choses surnaturelles, pour égarer les gens. Hein? Et ils vont tromper la personne qui fait ces choses-là, pour faire croire aux gens qu'il fait partie des awliya d'Allah, alors que ce n'est pas le cas. Et le cheikh il dit « وَتَقَدَّمَ لَنَا أَنَّ الْفَارِقْ بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ أَنَّ مَنْ جَرَى عَلَى يَدِهِ خَارِقٌ إِنْ كَانَ مُسْتَقِيمًا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ فَهِيَ كَرَامَةٌ وَهِيَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا إِنْ كَانَ الَّذِي جرت على يده فاجرا فاسقا مضيعا لحدود الله مرتكبا لمحارم الله فهذه ليست كرامة وإنما هي خارق شيطاني لا يغتر به وهذا شيء واضح للناس يعرف حالهم في الصلاح والفسق يعرف ذلك يعني يعرف حالهم في الصلاح والفسق ويعرف ذلك فهذا هو الفرق بين الكرامة وبين غيرها ثم إن الكرامة التي تجري على يد رجل صالح هذا الرجل الذي تجري على يده هذا الرجل الذي تجري عليه لا يفرح بها ولا يفخر ولا يفتخر بها بل إنها تزيده تواضعا وخوفا من الله عز وجل ولا يترفع بها بل يخاف من الله أن تكون استدراجا له ويخجل ويستغفر لئلا تكون استدراجا له فهو يستغفر الله عز وجل ويتوب ولا تغره هذه الكرامة هذه حال المتقين الصالحين مع ما يجري على أيديهم ولا يظهرونه للناس بل يكتمونه مهما أمكنهم ذلك. Donc le cheikh explique que on a déjà expliqué que la distinction ou la façon de discerner entre ces deux catégories là, eh bien c'est de voir premièrement de savoir que si la personne qui a fait ces actes surnaturels et ces choses surnaturelles, c'est une personne qui est sur la droiture, sur l'obéissance d'Allah, et que c'est une personne qui est croyante, alors on va dire c'est une karama, c'est un prodige miraculeux, et que ça lui vient d'Allah. Il dit, tandis que si la personne qui fait des choses surnaturelles, c'est une personne qui est perverse, qui est un pécheur, qui délaisse les limites d'Allah et qui fait tout ce qui est haram, eh bien, dans ce cas-là, on va dire que ce n'est pas un prodige miraculeux, mais que c'est une chose surnaturelle diabolique. Et que le diable essaie de tromper par ce genre de personne. Et donc, ça, c'est une chose qui est claire. Mais, yani, c'est pas tout le monde qui a la connaissance de ce discernement-là pour être capable de savoir la différence entre les deux. Et pour certains, justement, ça devient confus. Surtout parmi les gens qui n'ont pas étudié le tawhid, qui n'ont pas étudié les fondements de la sunna et qui n'ont pas compris la religion. Et ça, tu le vois dans les pays où il y a beaucoup de tasawwuf, beaucoup de soufisme. Hein? Le cheikh soufi, il va désigner quelqu'un et il va le rendre cheikh automatiquement. Parce que pour eux, devenir un cheikh, c'est quelque chose, c'est le cheikh qui le décide. Si le cheikh, il te regarde et dit, toi, t'es un cheikh, tu deviens un cheikh. Et là, ça veut dire que tout le monde, ils vont venir se mettre autour de toi puis te prendre comme un cheikh. Peu importe qu'est-ce que tu dis, peu importe qu'est-ce que tu fais. Et justement, c'est ça qui est arrivé à beaucoup de gens. Et le pire, c'est qu'il y en a parmi ces gens-là qui croient en ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que le cheikh, il lui dit? Il le rend cheikh et lui, il croit que le cheikh l'a rendu vraiment un cheikh. Alors, il commence à parler, hein, devant les gens. Mais tu vois que qu'est-ce qu'il dit, ça fait aucun sens. Et il connaît rien de la religion. Mais malgré ça, il pense que les gens pensent qu'il est un vrai cheikh, alors ils l'écoutent. Alors que le gars, tout ce qui lui sort de la tête, il le dit, c'est que des bêtises, que des choses stupides, que des choses ridicules. Il connaît même pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, même pas le Coran. Donc comment cette personne-là peut être un cheikh? Allah al-musta'an. Et il y en a parmi les soufis, c'est comme ça. Il dit, moi j'ai jamais étudié la religion. Hein? Ma connaissance, elle me vient directement d'Allah. Il dit, j'ai pas besoin d'étudier. J'ai pas besoin d'aller étudier avec les ulama. Il pense, il dit, moi, j'ai des émanations divines qui tombent dans mon cœur, là, qui me fait connaître la religion sans que j'ai besoin d'étudier. Donc, en réalité, c'est des gens, ils pensent qu'ils sont des prophètes. Ils pensent qu'ils se prennent pour des prophètes, ces gens-là. Wal'iyadu billah. Mais c'est des dajjal. C'est des dajjalin. Et le cheikh, il dit ensuite que la différence, donc, entre al-karama et ce qui n'est pas une karama, c'est quelque chose qui est clair. Hein? Si c'est par la main d'un homme pieux, qui est sur la sunna, hein, qui est salafi, qui est sunni, là, on sait que c'est une karama. Mais si c'est quelque chose qui se fait à la main d'un mubtadi' ou d'un égaré, ou d'une personne déviée dans la croyance, une personne qui est perverse, tu vas savoir que ça vient du shaitan. Et en plus, l'homme pieux, quand il a une karama, eh bien, il ne se réjouit pas de ça. Hein? Même qu'il n'est pas fier de ça non plus. Ça ne fait que l'augmenter en humilité et en crainte d'Allah. Il ne va pas essayer de s'élever sur les gens avec ça. Au contraire, il craint que ce soit pas une... Il craint que ce soit peut-être une chose qui... risque de le faire dévier, par laquelle Allah Azza wa Jal l'élève, hein, mais que ça risque d'être pour lui une source de chute, ou une cause de chute. Hein. Donc il est gêné de ça, et il demande pardon à Allah pour que ça ne soit pas justement une cause de fausse élévation, justement. Et donc, il demande pardon à Allah et se repent à Allah de ça. Et il ne laisse pas ce prodige miraculeux le tromper ou le faire dévier. Et ça, c'est la situation des vrais hommes pieux qui sont vertueux, hein, et qui ont justement reçu certains de ces dons prodigieux de la part d'Allah. Ils ne le montrent pas aux gens, ils le cachent. Hein? S'ils sont capables, ils le cachent. Donc ça, c'est des exemples. Comme si, par exemple, quelqu'un découvre que quand quelqu'un est malade, on va dire qu'il a une karama. Hein? Allah lui donne une karama, qu'il a ce don-là que s'il touche à une personne malade, cette personne-là devient guérie. Elle guérit. À chaque fois qu'il touche à un malade, cette personne l'a guérie. Et lui, il se rend compte qu'il a ce pouvoir-là. Il a cette karama. Hein? Est-ce qu'il va aller dire ça à tout le monde, commencer à dire, « Moi, j'ai un pouvoir, je peux guérir tout le monde qui sont malades. » Et puis, commencer à dire, « Venez, venez me voir, je vais donner... » Là, il commence à prendre de l'argent. Hein? Puis les gens, ils viennent, ils font des files, là, tu vois, des centaines de personnes qui viennent pour qu'ils les touchent et des choses comme ça. Puis il prend des milliers de dollars avec ça. Ça, c'est les charlatans, les gourous qui font des trucs comme ça. Et souvent, c'est même pas des choses réelles. Hein? Souvent, c'est des arnaques. Mais des fois, c'est des arnaques. Mais si c'était quelqu'un qui avait vraiment cette capacité, il devait être modeste avec ça et cacher ça. Pas dire ça à tout le monde. Et pas exposer ça non plus. Hein? Pas exposer ça de manière à, justement, que ça devienne une source de fitna pour lui et qu'il risque de s'égarer à cause de ça. Non, donc, le cheikh, il explique ensuite et il dit « وقوله ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل كان كثيرا من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله لأنه يشعر بأنها يعني نقص في إيمانه وأنها لا تكون من باب الاستدراج ولا يزكي نفسه ولا يفتخر بهذه الكرامة هذه حالهم ثم أيضا هناك من الصالحين الأتقياء من لم تجري على يديه كرامة ليس من لازم الولي أن تجري على يده كرامة بل هناك من سادات الأولياء كأبي بكر وعمر وعثمان وسادات الصحابة ولم يجري على أيديهم شيء من هذه الأمور مع أنهم أتقى الأمة وأبر الأمة وأصدق الأمة وما جرى على أيديهم خوارق فهي ليست من لازم الولاية الولاية أبدا وقد يكون ولي لله من خواص الأولياء ولا تجري على يده كرامة وقوله وكان كثيرا من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى خصوصا إذا نظر إلى سادات إذا نظر أن سادات الأولياء لم تجري على يدها على يدهم مثل هذا فهو يخاف أن يكون هذا من نقص درجته عند الله يستغفر ويتوب ويسأل الله أن يزيلها عنه من تمام إخلاصه وخوفه من الله سبحانه وتعالى يسأل الله أن يزيلها عنه ويصون تلاميذهم بأن لا يطلعوا إلى يتطلعوا إلى الكرامات وأن لا يجعلوها همهم ولا أن يجعلوها همهم بل يعني يحذرون منها أو يحذرون منها لأنها ابتلاء وامتحان فهم يوصون طلابهم بأن لا يتحروا هذه الكرامات أو يطلبوها أو يحرص عليها إذا حصلت له ولا يتبجح بها ولا يتكبر بها بل تزيده تواضعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى وهذا أيضا من أسباب الحذر أنها قد تكون من خوارق الشياطين ولا تكون من الله عز وجل فيزيد الابتلاء والامتحان عليهم. Donc le cheikh il répète encore qu'est-ce qu'il a déjà dit. Il résume tout ce qu'on a expliqué. C'est que les salihins, les vrais pieux, les vrais gens vertueux, hein, ils considèrent s'ils ont une karama que c'est quelque chose qui est un signe de la faiblesse de leur foi. Pourquoi ils considèrent ça? Et c'est pour ça qu'ils demandent pardon à Allah et ils se repentent. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes parmi les pieux qui sont plus pieux que eux et eux, ils n'ont pas eu de karamat. Donc, si eux, ils ont eu des karamat, c'est la preuve que leur foi, elle était faible. Hein? Parce que souvent, Allah Azza wa Jal, il va permettre à quelqu'un de faire ce genre de karamat, c'est pour les raffermer dans leur foi. Parfois. Parfois, c'est pour les raffermer dans leur foi parce que leur foi, elle est faible. Hein? Et donc, c'est pour ça que, yani, eux, ils demandent pardon à Allah pour ça. Et il dit donc, c'est pas une condition pour que quelqu'un soit un wali, qu'il ait le pouvoir de faire des karamat. Parce que les meilleurs parmi les sahaba, comme Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali radiallahu anhum, et yani, d'autres également parmi les meilleurs des sahaba, ils n'ont jamais fait des karamat. Mais malgré tout, c'est les meilleurs parmi cette umma. Et donc, le cheikh dit, c'est eux les plus pieux de la umma, les plus vertueux de la umma, hein, et les plus véridiques de la umma. Et ils n'ont malgré tout jamais fait de karamat. Donc, c'est la preuve que le fait de faire des karamat, c'est pas une preuve que tu es un wali. C'est-à-dire, c'est pas la preuve que tu es meilleur que quelqu'un d'autre parmi les awliya. Parce qu'il y a des awliya qui n'ont pas fait des karamat. Et en même temps aussi, le fait que tu n'en fasses pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un wali. Puisque, comme on l'a dit. Après, il dit, il y a beaucoup de, donc, parmi les pieux, quand ils ont des karamat, ils demandent pardon à Allah. Ils demandent pardon à Allah, ils se repentent à Allah de ça. Comme on l'a expliqué. Et il dit, ils avertissent aussi leurs élèves de ne pas chercher ces choses-là. Et de ne pas en faire leur intérêt ou leur donner d'importance à ces choses-là. Et ils les avertissent, hein, que c'est une épreuve, que c'est un test. Et donc, ils protègent leurs élèves de tomber, d'avoir ces choses-là et de rechercher ces choses-là. Et donc, si jamais ils ont des karamates, réellement, de ne pas se vanter de ça et pas d'être orgueilleux ou de sentir fier de ça, mais plutôt d'être plus humble encore envers Allah et en même temps d'avoir plus de crainte d'Allah. Et de savoir aussi que parmi les choses qui fait qu'on doit avoir peur aussi, faire attention à ça, c'est que ça pourrait également faire partie des ruses du shaitan. Hein? Et que ce ne soit pas justement une karama qui vient d'Allah. Et donc ça devient une plus grande fitna encore. Donc il faut faire attention à ça. Après, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit « فَإِنِّي أَعْرِفُ مَنْ تُخَاطِبُهُ النَّبَاتَاتِ بِمَا فِيهَا من المنافع سبحان الله وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول هنيئا لك يا ولي الله فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك. Donc il dit, je connais des gens à qui les plantes parlent parmi les plantes. Hein? Et qui les informe, les plantes leur disent les bienfaits qu'elles possèdent. C'est-à-dire, ils passent à côté des plantes, les plantes, elles disent, moi je suis bonne pour ça, je suis bonne pour ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et en réalité, c'est le shaitan qui est dans ces plantes qui parle à la personne. C'est pas la plante elle-même qui parle. C'est le shaitan qui essaie de tromper cette personne. Hein? En lui parlant à partir des plantes pour qu'elle s'imagine qu'il est un wali. Et il dit, je connais des gens à qui les pierres et les arbres s'adressent. Et que les plantes et les arbres qui disent, félicitations à toi, ô wali d'Allah. Hein? Et quand il récite Ayatul Kursi, la personne à qui ces choses-là arrivent, Elle récite Ayatul Kursi et puis ça s'arrête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le shaitan qui fait ça, qui joue avec eux, pour les tromper. Hein? T'imagines, tu marches à côté d'un arbre, ou tu marches quelque part, tu vois, il y a des arbres ou des pierres ou des herbes ou des animaux qui te parlent, des fleurs, qui te disent, t'es un wali d'Allah, t'es un grand pieux, hein? Et ainsi de suite. Peut-être que si quelqu'un il n'a pas assez de compréhension ou de foi, il va se laisser tromper. Et il va dire, ah, si les arbres me parlent, ça veut dire que je suis vraiment un wali d'Allah. Peut-être que je suis un homme, un grand wali. Donc, ça lui monte à la tête et il commence à s'égarer à cause de ça. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, Ash-shayatin min bab al-rish li bani Adam, وإغوائهم يخاطبونهم من خلال بعض الجمادات أو بعض الأشجار والنباتات ويظن أن النباتات نفسه أو الشجر نفسه أو النبات الذي يكلمه مع أن الذي يكلمه يعني شيطان متلبس بهذه الشجرة أو هذا النبات فالأمر خطير جدا وإذا أحس بهذا وسمع هذا الصوت فإنه يلجأ إلى الله ويقرأ آية الكرسي التي تطرد الشياطين ولا تقربوا من قرأها فيذهبون ولو كانت كرامات ما ذهب وإنما هي خداع من الشيطان فإذا قرأ آية الكرسي فإن الشيطان يهرب وينهزم فهي حصن للمسلم آية الكرسي وغيرها من القرآن ولكن هي بالذات يعني حصن للمسلم يتحصن بها من الشياطين. Donc le cheikh il dit que le shaitan il veut tromper les hommes, il veut tromper les fils d'Adam. Alors il essaie de les tromper et de les faire dévier. Alors il va s'adresser aux êtres humains à travers des objets inertes, des choses. Même parfois tu vois des statues, hein, des images. Et il y a des koufars, des fois, des mouchriquins, ils voient ces statues qui leur parlent. Ils disent, ah, j'étais devant la statue, j'étais en train de prier à Jésus ou Marie, et la statue m'a parlé. Et ils jurent que la statue les a parlé, hein, leur a parlé, leur a adressé la parole. Alors ils disent, ça c'est la preuve que je suis un wali, ou je suis un saint, ou je ne sais pas quoi. Alors que c'est le shaitan qui leur parle à travers ces objets-là. Des fois aussi, ça peut être à travers un arbre ou à travers des plantes, hein, ou d'autres choses de ce genre. Donc les djinns et les shayatins qui trompent les êtres humains de cette façon. Et donc la personne, si elle a patience, elle va s'imaginer peut-être que c'est les arbres réellement qui leur parlent, ou que c'est les plantes, ou que c'est les objets qui leur parlent, alors que c'est le shaitan qui utilise ces choses-là pour tromper ces gens-là. Donc c'est très dangereux. Il dit toutefois, si la personne a de la connaissance et elle connaît, si elle ressent que ça c'est une ruse du shaitan, elle entend ces voix-là. Il y a des gens des fois aujourd'hui, c'est ça. Hein, ils vont dire, ah, cette personne elle est schizophrénique. Elle entend des voix, elle entend des gens qui lui parlent. Des fois c'est le shaitan qui lui joue des tours. Donc si elle récite Ayatul Kursi, eh bien ça chasse les shayatins. Du moment que tu récites cette aya, le shaitan, il s'en va. Il ne reste pas. Et donc, même si le cheikh il dit, si c'était réellement des karamates, des prodiges miraculeux qui leur arrivaient, eh bien, ça ne se serait pas arrêté lorsqu'ils récitent le Coran. Ce serait continué. Hein, ça aurait continué même après qu'il récite le Coran, si c'était vraiment une karama. Mais le fait que ça s'arrête quand il récite Ayatul Kursi, c'est la preuve que ça vient du shaitan. Hein, parce que Ayatul Kursi, si tu le récites, le shaitan il s'enfuit, il peut pas rester. Donc c'est une vraie forteresse pour le musulman, une protection pour le musulman. Donc, Ayatul Kursi et d'autres également dans les versets du Coran, mais en particulier Ayatul Kursi, c'est une protection pour le musulman, et quand tu la récites, ça te protège contre les diables et les shayatins. Il dit ensuite, وَأَعْرِفُ مَنْ يَقْصِدُ صَيْدَ الطَّيْرِ فَتُخَاتِبُهُ الْعَصَافِيرُ وَغَيْرُهَا وَتَقُولُ خُذْنِي حَتَّى يَأْكُلَنِي الْفُقَرَاءُ وَيَكُونَ الشَّيْطَانُ قَدْ دَخَلَ فِيهَا كَمَا يَدْخُلُ فِي الْإِنْسِ وَيُخَاطِبُهُ بِذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ وَهُوَ مُغْلَقٌ فَيَرَى نَفْسَهُ خَارِجَهُ وَهُوَ لَمْ يَفْتَحْ ولا بالعكس وبالعكس وكذلك في أبواب المدينة وتكون الجن قد أدخلته أو أخرجته بسرعة أو تمر به أنوار أو تحضر عنده من يطلبه. Donc là ici le Cheikh Ibn Taymiyyah il explique que il dit je connais des gens qui parfois ils vont pour chasser des oiseaux. Ils vont pour, à la chasse. Hein? Et, wa alaykoum salam wa rahmatullah, il dit, et les oiseaux leur adressent la parole. Hein? Et il leur dit, prends-moi pour que les pauvres puissent me manger. Alors que c'est le shaitan qui est entré dans ces oiseaux-là qui s'adresse à eux, comme lorsque le shaitan rentre dans un être humain, il possède un être humain, il peut posséder des animaux aussi. Et il dit, il y en a d'autres également qui sont à l'intérieur de chez eux et la porte est fermée et ils se voient à l'extérieur. Subhanallah. Alors qu'ils n'avaient pas ouvert la porte. Et des fois, c'est le contraire. Il est à l'extérieur et se voit à l'intérieur. Il dit, il y a d'autres choses aussi, comme par exemple, quelqu'un, il est, par exemple, dans les portes de Médine. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. S'il est à l'extérieur et le shaitan le fait rentrer. Ou bien il le fait sortir. Ou bien il voit passer des lumières très rapidement autour de lui. Ou bien que des fois il veut parler à quelqu'un, cette personne-là, elle apparaît devant lui. Ou des choses de ce genre. Donc tout ça, c'est des choses, c'est le shaitan qui joue avec les gens. Il dit ici, le Cheikh Al-Fawzan, pour expliquer ça. « Al-shaytan yatalabbas bil-tayr. Al-shaytan a'tahu Allah qudratan ala dhalik. » كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أعطى الله قدرة على ملابسة الناس والدواب يتكلم على ألسنتها ويظن الناس أن نفس المخلوق هو الذي يتكلم مع أنه الشيطان. Donc le Cheikh il explique que Allah Azza wa Jal il a donné au shaitan, au djinn, une capacité de pouvoir posséder ou entrer à l'intérieur de certaines créatures. Ils peuvent entrer dans des animaux, à l'intérieur des êtres humains. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et il peut parler par sa langue. Et les gens vont penser que c'est cette créature-là qui parle, alors que c'est le shaitan, en réalité, qui parle. Il dit, wa yahmiluhu shaitan, donc l'autre personne, l'autre exemple de la personne qui était dans sa maison, il se voit à l'extérieur. Ou des choses de ce genre. Il dit le shaitan, يحمله الشيطان ويظن أن هذا كرامة وأنه يطلع من البيت بدون فتح الباب ويظن أن هذا كرامة مع أنه من الشيطان. حمله الشيطان والشيطان عنده مقدرة يدخل في البيت ويخرج منها وهي مغلقة ويدخل ويخرج وهي مغلقة ويحمل معه هذا يحمل معه هذا المغرور ويظن أن هذه كرامة له. Donc il dit des fois le shaitan il peut porter une personne et la personne elle va penser que ça c'est parce qu'il est il a fait une karama ou des choses de ce genre. Et le cheikh il dit ça c'est le shaitan qui joue avec lui. Il le prend, il le porte, il l'amène ailleurs. Hein? Le shaitan, il a la capacité de faire ça. Parce qu'il est très rapide. Et il est plus fort que l'être humain. Donc le djinn, il peut faire des choses que l'être humain n'est pas capable de faire. Et la porte, elle est fermée. Et lui, il est à l'intérieur. Puis là, il se retrouve à l'extérieur. Sans qu'il ait ouvert la porte. Hein? Donc il dit ça. La personne, si elle est faible ou si elle ne comprend pas, elle va penser que ça, c'est des choses comme des karamates ou des choses comme ça. Il dit أو تتشكل على شكل أنوار ويظن أن هذا ملك أو أن هذا أنوار أو ملائكة وهي شياطين تتلون كالغيلان أو يحضر له ما يطلبه مثل يعني مثل له ابن أو قريب بعيد وبينه وبينه مسافات وهو مشفق على رؤيته ينتهز الشيطان هذا الشيء فيحضر هذا الشخص ويحمله في الهوى ويحضره عند قريبه ويظن هذا المخدوع أن هذه كرامة له. Donc il dit des fois le shaitan aussi il peut changer de forme. Il peut passer comme une forme de lumière. Alors la personne elle pense que ça c'est un ange ou que c'est une lumière ou un ange. Alors que c'est des shayatines. Et je rappelle souvent cette histoire que j'avais mentionnée une fois de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, bon, était catholique et elle nous racontait souvent cette histoire-là que une fois elle m'a dit une fois j'étais dans ma chambre et j'ai vu la Vierge Marie qui est apparue. Elle a dit elle était toute blanche et toute illuminée et elle était apparue dans ma chambre au bout de mon lit. J'ai dit à ma grand-mère, j'ai dit grand-maman, ce que tu as vu c'est le shaitan, c'est le diable qui est venu pour te tromper. Elle a dit, mais non, le diable, il n'est pas beau. Elle était belle, elle était brillante. J'ai dit, tu penses que le shaitan n'est pas capable de paraître une belle apparence et de briller comme ça? Il est capable. S'il vient dans sa vraie forme ou s'il montre qu'il est laid, est-ce que tu penses que les gens vont le suivre? Non. Donc le shaitan, il est rusé comme ça. Et c'est de cette façon qu'il égare beaucoup de gens. Donc, ça, c'est juste pour comprendre. Et donc, le cheikh, il dit des fois, le shaitan, il peut jouer des tours aux gens comme ça, leur faire voir des choses et leur faire penser que, justement, ils sont en train de faire des karamates ou des choses de ce genre. Mais tout ça, c'est des ruses du shaitan. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la semaine prochaine. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.